Est-ce qu'on peut acclamer pour nos instrumentistes, s'il vous plaît? Attire-moi à toi, oh Dieu, ne me laisse tout abandonné, oh, et restaurer notre amitié, oh Dieu, tu es mon désir, Seigneur, je ne veux que toi. Oh, oh, rien ne peut te remplacer. Oh, oh, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène. Attire-moi à toi, attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas, oh, tout à l'heure, restaurer notre amitié. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier ce matin? Tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin? Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ce matin, béni soit ton nom. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de bénir dans ta présence et recevoir une parole. Seigneur, merci pour ta parole qui change nos vies. Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu nous donnes chaque matin. Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin. Seigneur, je prie pour les garçons, je prie pour les filles, je prie pour les grands, les petits, Seigneur, ce matin. Je prie pour les leaders, je prie pour les brebis. Seigneur, je prie pour chaque personne ce matin que tu nous fasses la grâce, Seigneur. Aide-nous ce matin, au nom de Jésus, Seigneur. Merci, merci. Et tout le monde dise amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Ok. Donc, ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Yeah. Comprendre le salut. C'est ça, non? Yeah. Comprendre le salut. Comprendre le salut. Comprendre le salut. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. OK. Un Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Que tout votre être, hein, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Pour comprendre ton salut, tu dois savoir que tu es esprit, âme. Tu as une âme, l'esprit possède une âme, et tous vivent dans le corps. Alléluia. Et donc, tu es esprit. Tu es esprit. Tu as une âme. Mais tu vis dans le corps. Alléluia. Et donc, lorsqu'on lit 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. OK. 2 Corinthiens. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Yeah. Donc j'ai dit, c'est l'esprit. Parce que si tu es esprit, c'est l'esprit qui devient une nouvelle créature. C'est qu'on parle de être né de nouveau. Alléluia. Et donc, la semaine passée, on a lu Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. OK, on va mieux comprendre là-bas. Ézéchiel. Est-ce que vous suivez les versets avec moi? Yeah. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu enlève ce cœur de pierre et met un nouveau cœur. Alléluia. Donc, Dieu te donne un nouveau esprit. Donc, tu es maintenant né de nouveau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yeah. Il enlève cette pierre, ce cœur de pierre de ton cœur. Alléluia. Moi, par exemple, si ce n'est pas la nouvelle naissance, si ce n'est pas le nouveau cœur que le Seigneur a mis ici, je serai quelqu'un qui sera vraiment bien serait vraiment méchant. Yeah. La méchanceté. J'étais méchant. Yeah. Me regardez. Et toi? Et toi? Alléluia. Yeah. Est-ce que je me ressemble à quelqu'un qui est méchant? Yeah, parce que j'ai un nouveau cœur. Par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas pour voir qu'est-ce qui se passe derrière là-bas. Alléluia. Yeah. J'étais méchant. Yeah. Parce que je me rappelle mes sœurs. Ma sœur peut être dans une douleur et en train de pleurer. Et je suis content. J'étais content. Yeah. Yeah, j'étais content. Et je vais même chercher à lui donner plus de douleur. Yeah. C'est ce que j'étais. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, c'était méchant. Vraiment méchant. Méchant. Méchant. En classe. Oh, je ne triche pas. Mais je ne vais pas te... Durant l'examen. Oh, tu ne connais pas, je ne vais pas te... S'il te plaît, oh, je vais te dire, ah, lorsque moi j'apprenais loi, toi tu étais où? Yeah, je ne vais pas te montrer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi lorsque tu vois dans le monde Irak, comment les appelle? ISI. Comment les appeler en français? En français, c'est quoi? IS, je ne sais pas. ES. État islamique. Yeah! C'est en train de couper, égorger les gens. Tu crois que c'est quoi? L'ancien, le cœur là. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Boko Haram. Vous croyez que c'est quoi? Cœur de pierre. Donc lorsqu'on dit que tu es né de nouveau, Dieu met un cœur qui fait que cette méchanceté, ce cœur de quoi? De faire du mal sort, n'est plus là. Tu as maintenant un nouveau cœur. Donc la Bible, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Alléluia. Non, les cheveux ne sont pas nés de nouveau. C'est pas ton corps qui est né de nouveau. Parce qu'on te voit, Daniel, tu es toujours Daniel. Tu n'es pas devenu une blanche. Tu es toujours noire, africaine, la femme africaine. Alléluia. Le corps ne change pas. C'est pas physique. C'est spirituel. Est-ce que vous comprenez maintenant la nouvelle naissance? Le salut, lorsqu'on parle de salut, c'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, la naissance de ton esprit. Un nouveau esprit qui n'est pas méchant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pourquoi lorsque tu deviens chrétien, tu as ce cœur. Tu as mal à faire du mal. Ou bien, tu as mal. C'est ça? Tu n'es pas à l'aise lorsque tu es en train de faire du mal. C'est parce que tu as un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque tu es né de nouveau, c'est comme physiquement, tu es un enfant, un petit enfant, spirituellement. Alléluia. Et pour que tu grandisses, parce que lorsque l'esprit n'est pas mature, tu ne vas pas expérimenter, ou bien tu ne vas pas exprimer. Comment est-ce que je peux l'expliquer mieux? Tu vas voir que ton corps domine ton esprit, domine le cœur là. C'est pourquoi tu vois les chrétiens, il y a certains chrétiens qui sont toujours méchants. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps est pécheur. Si tu laisses ton corps ici maintenant, et du corps agit dans ta nature naturelle. C'est une expression comme ça. Hein? Si on enlève l'esprit et puis on met le corps, mon ami, tu ne vas pas retrouver le corps. Tu ne vas pas reconnaître le corps. Parce que dans sa nature, naturellement, le corps pêche. Le corps pêche. C'est pourquoi il ne faut pas encourager le corps de pécher. Par exemple, lorsque tu regardes la pornographie, tu es en train d'encourager ton corps de pécher. Il faut encourager ton corps de pécher. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas prendre une fille et puis mettre la fille sur un garçon qui a le sang chaud. Hey! Pourquoi tu as encouragé ton corps? Tu as encouragé ton corps. Il faut faire attention. Paul, qui était apôtre, un grand apôtre, avait peur de son corps. Avait peur. Est-ce que vous comprenez? Et nous qui ne sommes pas apôtres. Peut-être des petits apôtres. les enfants, les garçons apôtres. Alléluia. Yeah. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire que le corps va dominer. Lorsque tu as un enfant né, un petit enfant, le corps domine ton esprit, ton nouveau esprit. Et donc, ton esprit doit grandir pour prendre contrôle du corps. Alléluia. Pour mettre le corps sous contrôle. Pas laisser le corps s'exprimer n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, tu vas voir que les chrétiens qui sont matures arrivent à contrôler leur corps. Alléluia. Yeah. Ne regarde pas, chaque vie vient. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Lorsque ton esprit est mature, ton esprit dédaigne ou bien méprise le mal. Lorsqu'il est en face du mal, il ne veut pas. Il se sent très mal. Il ne veut pas faire. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est pourquoi on parle de surprise chrétienne. Il y a des surprises chrétiennes. On appelle quelque chose surprise chrétienne. Surprise chrétienne, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es chrétien et puis on est ensemble et puis tu vois un autre chrétien faire un péché. Et si tu ne comprends pas ce que je suis en train d'expliquer, que l'esprit doit grandir, tu seras surpris. Et tu risques de ne pas venir à l'église. Beaucoup de personnes sont sorties de la porte, sont parties à cause de ça. On dit, ah, mais nous sommes tous des chrétiens. Pourquoi l'autre personne va faire ça? Non, non, non, mais cette église-là, c'est pas possible. Pourquoi on permet tout le monde d'être ici? Regarde ce que les jeunes filles sont en train de faire. Regarde comment le jeune garçon, là, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, c'est un péché. On ne permet pas ça ici. Pourquoi? Si on permet ça ici, moi, je peux pas rester ici. Yeah. On n'a pas compris que nous sommes tous à de différents niveaux de maturité. Yeah. Tu vois, les nouveaux nés sont en train, ils sont là-bas, la saleté, ils font poupou, ils font pipi, quoi là sur eux, on doit les essuyer, on doit les laver, ils se salissent chaque jour, tout ça là, les enfants. C'est comme ça, non? Ou bien? C'est ça, les enfants, chaque fois, ils doivent se salir. Et alors qu'ils sont en train de grandir, ils commencent à comprendre la propriété. C'est ce qu'on a dit. Yeah. Et maintenant, ils commencent à comprendre que non, je ne dois pas être sale. Alléluia. Donc, nous sommes tous, nous avons des différents niveaux de maturité chrétienne. Notre esprit, l'esprit qui est né de nouveau, a un niveau de maturité, hein? Ton niveau est différent de mon niveau. Dans la manière dont tu contrôles ton corps est différent de la manière dont je contrôle mon corps. Donc, on doit pouvoir tolérer. C'est pas qu'on veut les encourager à continuer, mais on doit pouvoir tolérer ces personnes-là qui tombent dans certaines choses que on espère, mais on n'espère pas le chrétien de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comprenez le message? Yeah. Yeah. Yeah. Il faut comprendre. Nous sommes tous à différents niveaux. Différents niveaux. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est de faire grandir l'esprit. Ton esprit doit grandir. Ton esprit doit maturer. C'est ça. Ah, il n'y a pas un verbe qui vient de maturité. Hein. Il n'y a pas un verbe. Il n'y a pas de verbe. Pas de verbe. Ton esprit doit mûrir. Mûrir. Ah, ok, c'est le mot. Mûrir. Mûrir. Alléluia. Ton esprit doit grandir. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi la vie dit que nous sommes en train de grandir jusqu'à la perfection de Christ. Yeah, Dieu est en train. Si tu n'es pas encore au ciel, c'est parce que tu n'es pas prêt pour le ciel. Dieu est en train de travailler sur toi. Alléluia. Sur ta patience, sur ton corps, sur le fait qu'il ne veut plus que tu forniques. Il veut que tu matures jusqu'à ce que tu aies assez de perfection pour aller au ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ton esprit doit grandir. Et comment? La parole de Dieu. Yeah. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2:2, bien de ces deux pierres. 1 Pierre 2:2. Alléluia. 1 Pierre 2:2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. C'est le dernier chapitre que je dernier verset que je lis. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Lisez ensemble, on va lire ensemble. OK? On lit ensemble. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme enfants nouveau-nés. Pourquoi Paul dit à désirer comme enfant nouveau-né? C'est la naissance spirituelle, la naissance de ton esprit qui est enfant. Alléluia. Ton esprit enfant. Et l'enfant nouveau-né, la nouvelle naissance, le lait spirituel est pur. Alléluia. On a besoin de la parole de Dieu qui est le lait spirituel et pur. Désirez, développez le désir pour la parole. Alléluia. Développez le désir pour la parole. Pour que quoi? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voici la croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant le salut? Est-ce que c'est clair? Le salut. Est-ce que ton esprit est né de nouveau? Est-ce qu'il y a eu une expérience spirituelle où ton esprit est né de nouveau? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ton esprit est né de nouveau. Wow. Wow. Wow. Sinon, le cœur de Pierre, méchanceté, j'étais méchant. La femme de mon père, la femme de mon père, je ne lui ai pas parlé, on vit dans la même maison. Je ne lui ai pas parlé pour un an. Même maison. J'étais méchant. Même maison. Parler, c'est pas même ça. Elle préparait pour moi la nourriture. Je vais laisser la nourriture là-bas. La nourriture va rester là-bas jusqu'à ce qu'elle vienne reprendre la nourriture. Même si c'est après 3 jours. Pour un an. J'étais méchant. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est une surprise chrétienne? Est-ce que c'est une surprise chrétienne? Yeah! What a shock! Yeah! Un an! Et moi et mon cousin, on prépare, nous préparons nous-mêmes. Yeah! Et elle n'était jamais, durant ce temps-là, elle n'était jamais offensée. Elle était jeune, elle m'aimait tellement. Et moi, je la haïssais tellement. Hey! Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur a fait? Lorsqu'on parle d'un nouveau cœur, un nouveau esprit, on a enlevé le cœur de Pierre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yeah. Dieu, un an. C'est après un an que je suis venu à Accra. Et le Seigneur m'a attrapé comme ça. Il a dit, le petit garçon là, viens ici. Viens ici. J'enlève. Il a enlevé le cœur. Et puis il a mis un nouveau cœur. Vous n'allez pas croire que moi j'étais aussi méchant. Lorsque je parlais, vous n'avez pas cru. Au pasteur, c'est moi aujourd'hui. Moi. 1394. Moi-même, ça m'étonne. Je suis étonné que j'ai pu faire ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Elle m'a pris comme son enfant. Elle m'a pris comme ça. Mais elle est décédée. Il y a 5 ans, 6 ans. Mais au moins, par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi lorsque les parents sont en train de faire certaines choses, il ne faut pas participer. Yeah. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne les comprends pas. Donc, il ne faut pas participer. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Yeah. Donc, le Seigneur m'a attrapé et a fait une opération spirituelle. Yeah. Le cœur dur, le cœur de pierre. Je peux te haïr pour une raison inutile. Yeah. Ah, le cœur. T'es dur, vraiment dur. Donc si j'ai grandi dans cet état-là, oh, je serais terroriste. Je vais aller à, comment on dit, Nigeria pour aller chercher les Boko Haram. Lorsque vous voyez les petits enfants qu'on dit, par exemple dans les nouvelles, on dit, oh, cet enfant-là, ce gars, il était là, on ne savait pas qu'il était méchant, et après il est allé joindre le Al-Qaïda, tout cela, et puis les gens sont stupides. Vous croyez que c'est comme ça? C'était comme moi. Parfois lorsque je vois les gens, je vois, ah, c'est peut-être moi. C'est moi. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Il y a une nouvelle de deux filles à Londres qui sont quittées pour aller en Syrie, pour aller rejoindre les ASI, pour aller combattre. Deux jeunes filles de 16 ans, 15 ans, 16 ans sont parties comme ça. Vous croyez que c'est comme ça? Ça veut dire, oh, mais comment est-ce que les jeunes filles, le cœur de pierre, le cœur méchant, il veut aller combattre, il veut aller tuer les gens. C'était comme moi. C'est pas que le Seigneur m'a sauvé, j'ai allé rejoindre Al-Qaïda. Yeah. Parce que là, j'ai l'opportunité d'exercer et d'appliquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Peut-être que toi, c'est pas comme moi, mais le Seigneur a enlevé quelque chose. Et ton esprit doit grandir par la parole de Dieu. Maintenant, lorsque je vois le mal, la parole de Dieu est plus forte. L'esprit me dit la parole. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à être méchant. Maintenant, je suis même trop cool. Yeah, je suis je suis l'opposé de ce que j'étais. Yeah, je suis l'opposé. Parfois, je regarde, oh, ça ne fait rien. Yeah. Mais avant, oh, je vais te frapper. Les bêtises que tu faisais là. Tu allais voir. Alléluia. Donc, en fait, je suis en train de dire ça. Il faut comprendre le salut. Ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a pas de religion qui parle de ça. Changement de cœur. Les autres religions te disent il faut suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas aller au ciel. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Après le changement de cœur, tout ce que le Seigneur te demande, tu veux suivre. Parce que maintenant, tu as un nouveau cœur. Avec le cœur méchant, te dit de suivre les commandements, tu vas suivre. Non. Ça, c'est pas le salut. Yeah. C'est pas le salut. C'est la seule religion, le christianisme, christianisme, qui parle de changement de cœur, de nouvelle naissance. Les autres religions, tu vas suivre 1-2. Le matin, lève-toi, mets-toi comme ça. L'après-midi, tourne vers l'est. Tout comme ça. Et tu vas aller au ciel. C'est pas vrai. Tu ne vas pas aller au ciel. Le cœur n'est pas changé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le salut? Yeah. Yeah. Yeah. Dimanche prochain, je vais vous parler un peu de du sang de Jésus. Yeah. Qu'est-ce que le sang a fait? Le sang. Pourquoi on a versé le sang? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, tu es béni si tu es ici ce matin. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous. Parce qu'on doit prendre l'offrande pour la croisade. Et c'est pourquoi pourquoi l'évêque, il est passionné. Il est zélé. Il est même plus zélé qu'avant pour aller sauver des âmes. Yeah. C'est manque du salut qu'on a. Boko Haram. Al-Qaïda. Manque de la parole. Manque de la nouvelle naissance. Manque de la prédication de la nouvelle naissance. C'est ça qui fait. Alléluia. Yeah. Donc, l'église, il faut comprendre que l'église, nous sommes ici pour sauver les âmes. Si vous dansez et les âmes ne sont pas sauvées, stoppez la danse. Si vous chantez et les âmes ne sont pas sauvées, stoppez le chant. Yeah. Pas venir ici, on n'est pas ici pour aller manger du pain et de quinqué. Non. Nous sommes ici pour sauver les âmes. Alléluia. Fermez les yeux. Tu es ici ce matin. La Bible dit que c'est de croire. Lorsque tu crois et tu confesses, tu reçois une nouvelle naissance. C'est aussi simple. C'est aussi simple, mais tu dois croire. C'est simple de croire. Si tu crois que le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, pour se sacrifier sur la croix. Et si tu veux prier et recevoir le salut revient lorsque tu confesses, tu pries et tu confesses. Tu reçois le salut. C'est simple. Le Seigneur ne demande pas d'amener une somme d'argent. Le Seigneur ne demande pas d'amener un mouton, un poulet. Non, le sacrifice a été déjà fait. Le sang a été déjà versé pour tes péchés. Et donc, si ce matin, tu sais que tu n'as pas le salut, tu as le cœur dur, le Seigneur veut te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur ce matin, un nouveau esprit, et tu auras la nouvelle naissance. Et donc ce matin, si tu es là, tu sais que non. Un jour, la Bible dit l'une des choses, un jour, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le salut, tu vas aller dans l'enfer. Et on ne sait jamais, ça peut arriver ce soir. Jésus peut venir demain. Mais ce matin, tu as l'opportunité de dire, Seigneur, je suis là, je veux te donner ma vie. Je veux recevoir le salut. Je veux être né de nouveau. Je veux ce nouveau esprit, ce nouveau cœur ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? À moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Merci. Merci ma soeur. Merci mon frère. Levez les mains. Toujours. Toujours. Il ne faut pas faire attention à celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas c'est personnel. C'est entre toi et le Seigneur. Lève la main. Fermez les yeux, lève la main. Fermez les yeux, lève la main. Tous, levez la main. Levez la main. Seigneur, merci. Merci. Vous voulez faire cette prière? Lève la main. Ton cœur en train de se battre, c'est ça. Ça dit que tu as besoin du salut ce matin. Tu n'es pas sûr, tu peux sûr. Tu peux les rejoindre. Es sûr, fais cette prière ce matin. Et tu seras sûr que maintenant, si le Seigneur vient maintenant, je suis prêt pour aller. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Et on va prier ensemble. Venez. Viens, mon frère. Venez. Non, fais pas ça. Qu'il y a d'autres personnes, au moins une personne. Tu voulais, mais quelque chose te dit non. Si tu peux surmonter ça et venir, c'est le diable qui ne veut pas que tu sois sauvé. C'est le diable. Tu peux dire non, diable. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, c'est pour moi. aujourd'hui, non, je ne veux plus t'écouter. Si tu peux lever la main, viens. Viens, on va prier. En quelques minutes. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux venir, viens. Je ne te connais pas. Amen, je ne te connais pas. Mais je sais que tu es là. Tu ne sais pas si tu auras cette opportunité de donner ta vie à Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. OK? Il n'y a pas de problème. Fermez les yeux. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît. C'est une prière, la Bible, que lorsque tu crois et tu confesses le Seigneur Jésus, tu reçois le salut. C'est très simple que parfois, on ne croit pas. Mais ce matin, je veux que vous croyez. Hein? Vous croyez, vous avez la foi que le Seigneur, c'est ça. Et lorsque vous faites cette prière, faites la prière de votre propre prière, parce que vous allez répéter après moi, mais faites la prière, votre propre prière, et le Seigneur va vous sauver. Il y aura une expérience spirituelle dans votre cœur ce matin. Vous n'allez rien sentir. Peut-être que vous allez quelque chose, vous allez sentir quelque chose. Mais la plupart du temps, vous n'allez rien sentir. Mais quelque chose spirituel va se passer dans votre vie. Au nom de Jésus. Si vous faites ça par la foi. Et donc, fermez les yeux. Et répétez après moi, tous devant. Dis, Seigneur, je te remercie. Ce matin. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin du salut. J'ai besoin de Jésus. Ce matin, je crois que tu l'as envoyé. Tu m'as aimé et tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je crois qu'il s'est sacrifié. Il a versé le sang. Son sang a coulé pour moi. Seigneur, je le confesse qu'il est mon sauveur. Seigneur, pardonne-moi. Tous mes péchés de l'année passée, l'année surpassée, de cette année, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Que le jour-là, lorsque les livres sont ouverts, mon nom sera dans le livre de vie. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Merci pour ce nouveau cœur. Merci pour ce nouveau esprit. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour ces personnes ce matin. Bénis-les. Bénis-les. Protège leur vie. Protège leurs pas. Protège leur famille. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen.